C'est encore Joe l'incognito, LPK l'acoliton, kiffe le rhum vanille coco, et le bon pédo qui te met KO. Le taf est fait comme un docké, toujours partant pour régaler. Juge pas sommé, je suis pas une star, j'ai pas le panard à bavard. Jamais confiant chez le banquier, mon pire délire c'est de manquer de cash. Toujours caché sous l'oreiller, présent au taf comme un apache. Quand t'as plus le pêche, il a le hache, toujours roulé, toujours tout frais. T'as les yeux rouges, un peu sonné, là t'es refait. C'est Joe l'incognito. Toujours partant pour un Dijon, j'arrive au P là où c'est chaud, je mets ça sur le beat, t'as la cafarde, derrière le frigo, ou ta go sur ma trique. Sur ce coup-là, elle n'a pas manqué de flow, un style noir, mais je suis tout pâle, un son novice, juge pas les strass. Paye en PayPal ou sans contact, en cash, ne sera pas de trace. N'aie pas peur, j'arrive à l'heure, pour dégoûter, jamais de retard. Comme un cheveu sur la soupe ou un poil de cul dans le jambon beurre. 6-2-600, c'est solide et vicieux, un peu trop biais dans la vessie. Vécu ténébreux, jour de pondre de vie normale. Ton avenir marche sur des œufs. On part en guerre sans faire de traits sous les yeux. Et pour se soulager, on tire sur des gros joies de bœufs. Bien vu chez nous, la police ampute des gens, les politiques enjambent des putes et les médias parlent de vacances. On part en vrille, apparemment c'est à la mode. Et dans ma ville, l'ambiance est grise, il pleut des cordes. Je vis serre des 16 à l'appel, on ne manque pas à l'appel. Regarde les jeunes, ont de la peine, ils attendent toujours la paye. Je suis là et je vois qu'on se tape la prod et moi. La tease et la fume ont fait des trous dans mon crâne. J'ai le cul entre deux 16, 64 têtes. Que je prends trop la vie comme un casse-tête. Merci fraté pour l'invite, j't'avoue ça fait plaisir. Question musique et écriture pour moi un grand désir. Et hop, tu me connais peut-être, j'ai arpenté les ruelles. J'ai marché avec des vrais, que ce monde est cruel. Ça me fait plaisir de voir des jeunes gratter, rapper. De me dire que j'ai donné l'envie de chanter. Aïe, des bons souvenirs que j'peux pas oublier. Jamais me dire que j'ai gagné le trophée, trop fort. Je lâcherai pas le rap, bon sport. J'ai une plume olympique, j'ai surfé sur la prod et j'pose score. Mon monde reste magique, bon score. Ces ambiances magiques, je réponds toujours présent quand un poteau m'invite. Le BSM est dans mon cœur et j'ai des restes au cerveau. Baisser les bras, je sais pas le faire, non non j'ai prêté serment. Les années passent de plus en plus vite, faut augmenter le niveau. On laisse des traces un peu partout comme LPK le photo. 6-2-600, c'est solide et vicieux. Un peu trop biais dans la vessie. Vécu ténébreux, jour de pondre de vie normale. Quand ton avenir marche sur des œufs.